Chapitre 4. Il y avait désormais à la Sûreté un dossier qui portait pour titre « Affaire Pervenche, MP contre inconnu ». C'était une affaire de chamois, de carton léger, déjà remplie de rapports, de procès-verbaux, de formulaires et de documents administratifs. Depuis 3 jours, l'inspecteur principal Odilon Quentin la complétait d'un labeur patient, inlassable, obstiné. Aujourd'hui, il en relisait le contenu afin de faire le point. C'était un gros homme au crâne dégarni, dont l'aspect physique répondait en tout point à l'image d'un marchand de bestiaux endimanché. Dans la rue, il s'appuyait pesamment sur une canne en bambou annelée de java, et il avait une façon bien personnelle, lorsqu'il parlait, de rejeter dans la nuque son vieux chapeau mou de teinte sombre. Il approchait de la cinquantaine, et une longue pratique judiciaire, jointe à une intelligence lucide, avait fait de lui un policier habile, apprécié en haut lieu. Les jaloux attribuaient ses succès à la chance, mais lui haussait les épaules, car il savait mieux que personne qu'il les devait à sa manière toute spéciale de mener ses enquêtes, et aussi, il faut l'avouer, à son air bête. Ses gros yeux somnolents et sans vie paraissaient en effet ne rien voir, et la graisse qui lui empâtait le visage semblait lui dénier toute finesse d'esprit. Cependant, il était excellent psychologue, tenace et rusé, et connaissait tous les milieux. Jamais il n'avait entamé une affaire sans lui proposer une solution raisonnable, et il s'était juré de trouver le mode de l'énigme de la mort de l'usurier, ne fût-ce que pour ne pas forfaire à sa réputation. L'affaire, cependant, était décevante. Il fallait écarter tout d'abord l'hypothèse du suicide. Les premières observations du commissaire de police Chartier étaient pertinentes. Un homme disposé à se suicider ne prend pas la peine de bassiner son lit. De plus, pourquoi Séraphin Pervenche aurait-il nourri le sombre projet de quitter cette vallée de larmes? Il possédait un solide compte en banque et des placements hypothécaires qui représentaient, grosso modo, une bonne douzaine de millions. L'enquête à laquelle s'était livré le policier le démontrait sans contestation possible. Envisager l'accident ne menait à rien. Un ingénieur spécialisé avait vérifié les canalisations par acquis de conscience, car au fond, c'était sombrement idiot, puisque le gaz meurtrier provenait du foyer du cabinet de travail, dont la clé était restée grande ouverte. Il résultait, d'autre part, des renseignements pris à la source, qu'à aucun moment la société n'avait interrompu la distribution. Il ne restait donc plus qu'une solution, le crime. Mais le malheur, c'est qu'un tas d'éléments disparates donnait à cette éventualité le démenti le plus formel. La clé du poêle à gaz avait été examinée par des spécialistes. Elle portait des empreintes digitales remarquables par leur précision et leur netteté, mais c'était, hélas, celle du défunt. À l'autopsie, l'estomac et les intestins du gentil monsieur avaient raconté leur petite histoire par le truchement de réactifs appropriés. 2 ou 3 heures avant son décès, Pervenche avait absorbé 1 demi-litre de thé de tilleul, 1 gramme d'aspirine, 2 cachets de 50 centigrammes, ce qui était normal, et une dose inoffensive de barbiturique destinée à lui assurer un sommeil calme. En cas d'assassinat, l'inspecteur Quentin avait l'habitude de répondre à 2 questions, comment et pourquoi, avant de résoudre le problème capital que posait la 3e, qui. Dans l'affaire en cause, le comment paraissait insoluble. Par contre, le pourquoi présentait tant de possibilités que c'en était désespérant. Vengeance. Séraphin Pervenche, au cours de sa funeste carrière, avait ruiné des fortunes, des réputations et des vies. Certains de ses clients lui vouaient une haine farouche, d'autres avaient proféré à son égard des menaces de mort. Intérêt. Les papiers d'un usurier représentent une valeur considérable pour ceux qu'ils compromettent. S'il lui fallait faire le tour de tous les débiteurs du défunt, Odilon Quentin en aurait pour un bout de temps. Amour. Le gentil monsieur changeait de maîtresse comme de chemise. Avait-il provoqué la jalousie de l'une d'elles au point d'en faire une criminelle? Et le gros homme conclut, ce Séraphin Pervenche avait la conscience aussi droite qu'un tire-bouchon, mais dû s'égiler ses derniers cheveux, je découvrirai son assassin. Sur ces fortes paroles, il enfila son gros par-dessus, se coiffa de son chapeau sans élégance, ordonna au garçon du bureau Marcel de faire attendre les clients éventuels et se rendit d'un pas nonchalant, appuyé sur sa canne, chez Madame Blanchette, avec l'idée bien arrêtée de faire avec elle un brin de Cosette à bâton rompu. C'était la 2e fois que l'inspecteur se rendait chez la concierge, et conscient de la bonne impression qu'avait laissée sa première visite, il résolut de mettre tous les atouts dans son jeu en lui apportant une bouteille de calvados. La pipelette accepta cet hommage alcoolisé. Avec la reconnaissance de la gourmandise, il trinqua aussitôt avec cet homme poli, sans prétention, qui en profita pour lui annoncer, en poussant un soupir à fendre l'âme, « Je patauge en cette affaire, ma bonne dame. Et ça m'embête d'autant plus que je désire ardemment en venger ce pauvre monsieur Séraphin, qui était véritablement le meilleur des hommes. » Il n'en fallut pas davantage pour déclencher l'éloquence de Madame Blanchette, qui s'étendit longuement sur les vertus philanthropiques de feu son locataire. Après un exorde idyllique qui consista, tel un chant alterné, à célébrer les louanges du défunt, l'air plus somnolent que jamais, humant avec délice son troisième petit calebas, Odilon Quentin se prépara tout doucement à poser la question de confiance. « Voyez-vous, Madame Blanchette, ce qui rend ma tâche si difficile, c'est qu'on se méfie de moi comme de la peste. » Il accompagna cette remarque désabusée d'un triste hochement de tête, et son interlocutrice tomba dans le piège. « Comment ? » s'écria-t-elle, « me méfier de vous, moi ? Que du contraire ? Vous n'êtes pas comme ce malappris qui m'a fait subir mon premier interrogatoire. Avec vous, au moins, on se sent à son aise. » « Je vous remercie, ma bonne dame. Aussi n'était-ce pas à vous que je faisais allusion ?» la rassura aussitôt ce brave homme tout rond. « Je voulais simplement parler des autres locataires de l'immeuble. »« C'est peut-être parce qu'ils ne vous connaissent pas aussi bien que moi. Possible. » L'inspecteur débonnaire laissa tomber la voix, puis, posant sur la main gercée de son interlocutrice sa grosse patte hérissée de poils roux, il murmura « Pourrais-je vous demander un léger service ? Tout ce que vous voudrez ?» promit la femme, définitivement conquise par cette marque de confiance. « C'est simple. Je voudrais que vous parliez à tous les occupants de la maison les uns après les autres. Oh, pas du crime, bien sûr. Non, de la pluie et du beau temps. Au cours de cette petite conversation, je voudrais que vous leur demandiez, incidemment, comprenez-vous, et sans insister, s'ils ont jamais constaté à leur réchaud, par exemple, certaines anomalies, s'ils fonctionnent bien, vous voyez ce que je veux dire. Pas très bien, avoua la pipelette sincère, mais je le ferai tout de même. Je vous en remercie. Dès que vous aurez recueilli le moindre détail, si futile puisse-t-il vous paraître, faites-moi le plaisir de me donner un coup de fil. Voici mon numéro. »